Chantier de l'univers. Tu voyages de temps de la galaxie. Chantier de l'univers. Chantier de l'univers. Loin de la guerre, tu t'en vas vers le monde univers. Là où les hommes sont des enfants, enfants du néant.